Chapitre 38e. Il n'y a plus de pas sur le sol. Mais si cela était, si comme il n'en doutait pas, c'était à Zygomar qu'on avait affaire, son ennemi était parfaitement au courant de tout ce qui se faisait contre lui. Cela, en effet, expliquait bien des choses, disait à Paulin Broquet pourquoi jusqu'à ce moment personne ne bougeait. On attendait nécessairement qu'il se relâchât de sa surveillance. Cependant, les traces du passage du rat indiquaient que l'on avait ouvert le passage, que l'on était tout au moins venu voir dans les caves et peut-être prendre des dispositions pour le vol prochain. Paulin Broquet alors changea sa façon de faire. Il posta Gabriel et des hommes à lui, bien en apparence dans les environs, comme pour surveiller les immeubles voisins. Mais il leur ordonna de se laisser deviner par les aides afin de leur inspirer confiance, de les voir agir d'un autre côté. Lui, profitant d'une affaire quelconque qui faisait assez de bruit en province, il prit ostensiblement avec l'amorce le train qui devait le conduire à la ville en émoi. Puis, quelques heures après, un train le ramenait à Paris, absolument méconnaissable, et il revenait prendre sa faction autour de la banque. Paulin Broquet descendit dans le caveau. Là, une surprise formidable l'attendait. Dans le plâtre blanc répandu sur le sol, en noir couleur dédale, apparaissait un énorme Z. Et une des caisses bâillait ouverte, cette fois sans précaution, absolument éventrée, comme un coffre-fort dans un cambriolage hâtif. L'argent avait disparu. Un nouveau million manquait à la Banque de France. En toute autre occasion, Paulin Broquet eût déclaré le coup très habile, très fort. Il se fût reconnu, lui, parfaitement roulé par son merveilleux adversaire. Mais ici, il se mit en rage et trouva que réellement cette fois Zygomar avait trop bien joué. Paulin Broquet aussitôt regarda les fils de la batterie électrique qui devait donner l'alarme. Les fils étaient tous coupés et mis hors d'usage. L'alarme n'avait par conséquent pu être donnée. Cependant, pensa Paulin Broquet, il n'y a pas longtemps que le coup a été fait. Hier soir, peut-être même ce matin. L'argent ne peut pas être loin. On n'emporte pas ainsi un million en or, comme un portefeuille, un collier de perles, un diamant. Paulin Broquet, cependant, remarqua que si le Z apparaissait bien net, bien tracé dans son plâtre, il ne pouvait relever aucune trace de pas. Or, comme les Z, malgré leur habileté, ne pouvaient marcher en l'air, ils avaient dû poser leurs pieds sur le sol, et le sol aurait dû garder la marque de leurs souliers. Comment ont-ils fait ? Se demanda Paulin Broquet. Il ne fit pas intervenir la fameuse loupe pour se fournir à lui-même une réponse à la question. Mais, plus attentivement, il regarda par terre, étudia la couche de plâtre que lui-même, avec le soin qu'il mettait en toute chose, avait semé sur le sol. Il remarqua que les traces des petites pattes de rat, si elles se voyaient par endroits très nettes et comme gravées dans le blanc, par ailleurs elles semblaient effacées. On eût dit que sur elles, le rat en trottinant avait passé sa queue, comme s'il avait voulu les effacer. Paulin Broquet alors se mit à rire. Décidément, dit-il à Gabriel, qui comme souvent l'accompagnait, je vais finir par être persuadé comme le public que Zygomar est beaucoup plus malin que Paulin Broquet. Pourquoi, chef? Parce que j'ai tendu ici un piège, sans me souvenir de la façon dont on pouvait déjouer ce piège. Quelle est cette façon? Enfantin, mon garçon. Et je suis stupide de n'y avoir pas songé plus tôt. C'est le truc du renard. Le truc du renard. Tout bonnement. Écoute. L'hiver, quand le renard va en chasse, pour ne pas laisser de traces derrière lui sur la neige, sais-tu ce qu'il fait? Il laisse traîner sa queue. Et la promenant sur la couche de neige, il efface absolument la trace de ses pas. Zygomar m'a fait le coup du renard. Il est venu ici, le plâtre remplaçant la neige, et lui, fin renard, pour effacer la trace de ses pas, il faisait derrière lui traîner un drap, une pièce d'étoffe, qui égalisait la couche de plâtre, qui effaçait la trace de son passage, la marque de ses pas. Si nous voyons les empreintes des pattes du rat, c'est que le drap promené ainsi n'a pu aller jusqu'auprès du mur, et qu'on a jugé inutile de se donner plus de peine. À son tour, Gabriel se mit à rire. « Mais chef, maintenant que vous connaissez le coup du renard, je sais où se trouve la pierre par où Zygomar est passé. » Paulin Broquet désigna une des pierres, taillée en triangle et formant l'angle de la cave. « Tu vois, dit-il à Gabriel, le choix est encore habile, et nous devons ici reconnaître partout la main de Zygomar. Enlever une pierre dans le centre d'un panneau, c'est faire un déplacement de matériaux énorme. En un seul endroit, montrer un carré, facilement visible et en pleine lumière, en face. Puis, la surface enlevée, tout en étant beaucoup plus grande et divisée, par conséquent moins visible. La raie de raccord n'est pas droite, longue, mais courte et brisée, et on peut la remarquer plus facilement. C'est juste, chef. Je suis passé devant plusieurs fois, je n'ai rien vu. Cependant, ma boussole ne m'a pas trompé, et c'est bien dans ce mur, dans la direction de la rue de la Vrillière, que j'ai toujours cherché. Paulin Broquet se mit alors à examiner la pierre, à étudier, si je puis ainsi dire, son fonctionnement, la façon dont on la faisait mouvoir pour qu'elle sortît de son coin, et revint ensuite prendre sa place sans laisser de traces. Le détective s'attacha surtout à voir par quels moyens Zigomar pouvait boucher les intervalles, les quatre lignes de vis laissées par le jeu de la pierre, avec une perfection si grande que personne ne pouvait le voir, avec une telle habileté de main que pas un grain de plâtras, de ciment, ne tomba sur le sol de la cave et ne donnait l'alarme, ne trahissait la manœuvre. Il prit son couteau et essaya de le glisser dans le ciment qui retenait la pierre d'angle. À sa grande surprise, son couteau, sans enfoncer positivement dans le ciment, y pénétrait toutefois assez aisément de quelques millimètres. Ce ciment était mou. Paulin Broquet essaya avec son ongle. « C'est du caoutchouc !» s'écria-t-il. En effet, la pierre de taille reposait bien à même sur la pierre qui, au-dessous d'elle, affleurait le sol. Mais ses trois autres côtés étaient pour ainsi dire sertis dans une armature de caoutchouc. La couche de ciment qui reliait les pierres avait 2 centimètres d'épaisseur. Ici, c'était une bande de caoutchouc de 2 à 3 centimètres qui entourait la pierre. Ce caoutchouc, admirablement ajusté, épousait à merveille la forme des côtés des pierres voisines et pressé, devenait dur, résistant, inerte et ne rendait aucun son. De la même couleur exactement que le ciment, que le reste du mur, il était absolument impossible de le découvrir. Rien de plus facile alors que de tirer la pierre d'angle et de la glisser à sa place dans cet encadrement. Paulin Broquet appuya de toutes ses forces contre la pierre, mais elle ne bougea pas. « Il doit y avoir derrière, fit-il, un appui, un mécanisme, un truc qui la retient et permet de l'autre côté de la faire mouvoir. De ce côté, ce serait peine perdue de vouloir en faire autant. » Puis il conclut « D'ailleurs, ne perdons pas notre temps ici. Nous n'avons plus maintenant qu'à marcher. » Paulin Broquet dit à Gabriel qu'il gardait la conviction que Zigomar ne devait pas avoir eu le temps de transporter tous les sacs d'or. Il fallait en effet décharger la caisse qui contenait les sacs, enlever les sacs d'or un à un pour les passer dans le couloir, dans le souterrain que desservait, que fermait la pierre triangulaire. L'ouverture, en somme, n'était pas bien grande et l'on ne pouvait aller vite en besogne. « Rien ne me dit, fit Paulin Broquet, que les sacs ne sont pas encore dans la banque. Nous allons voir ça. Nous savons par où on les a tirés de la cave. Il ne nous reste plus qu'à découvrir maintenant par où on va les faire filer au dehors. » Passant par les couloirs dont les gardes lui ouvraient les portes selon la consigne donnée, il dit au gardien-chef qui l'interrogeait « Non, rien de nouveau. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Cependant, je vous recommande de veiller sur votre poste d'appel. » Peu après, Paulin Broquet quittait la banque. Il revenait une demi-heure plus tard, vêtu en brave ouvrier qui a passé une bonne soirée et se montre quelque peu content. Entre-temps, il avait fait savoir à l'amorce qu'il eut à doubler ses postes et à surveiller très attentivement les rues de la Vrillière et de Radziville. C'était par une de ces deux rues que certainement Zigomar allait filer avec son trésor. Pour plus de facilité, afin de mieux surveiller les rues, Paulin Broquet fit, par des hommes à lui, planter des piquets de fer reliés par des cordes et par des lanternes rouges. Les rues d'alentour étaient ainsi barrées, les voitures ne pouvaient passer. Comme il n'est guère de rues à Paris auxquelles ce désagrément n'arrive de temps en temps, personne ne s'en soucia. Or, comme forcément Zigomar ne pouvait transporter cet énorme poids d'or que dans un véhicule, Paulin Broquet se croyait certain d'avoir arrêté l'exode du million, ou du moins de n'avoir permis la fuite que d'une infime partie. Il pensait que cela lui donnerait ainsi le temps de poursuivre son enquête et de découvrir enfin par où Zigomar rentrait, par où il sortait.